Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Ah, ah putain. Je t'entends là. Tu as vu sur la scène? Ouais. Mais je pense que je l'ai entendu chez toi en fait. Je t'entends plus. Ouais, je t'entends un, petit. 1, 2. 1, 2, 1, 2. Je t'entends plus. 1, 2. Très, très faible. Parce que là j'ai du bruit, c'est qui ici? Tu bricoles des trucs, Alex? Keep their configuration but this may not sound as desired. Track 1, voilà. Il te faut qu'un seul ninja. Si tu veux pas te faire chier avec les asios qui trouvent pas machin, tu peux installer Asio for All. C'est une sorte de surcouche à peu près.